Bonjour, je suis Johan, le créateur de Français Authentique. Je suppose que vous avez des problèmes pour parler le français. Je suppose que vous comprenez le français, mais que vous rencontrez des difficultés pour le parler. Il se peut que vous l'ayez étudié pendant des années et des années à l'école, en cours de français. Et que malgré ça, vous avez l'impression que vous n'arriverez jamais à vous améliorer et à parler correctement le français. Alors laissez-moi vous rassurer, vous êtes normal. Vous êtes normal et vous n'êtes pas seul. En fait, ce problème est répandu dans le monde entier, donc vous êtes des gens basés dans le monde entier qui rencontraient ce problème. En fait, c'est un problème qui est également commun à toutes les langues étrangères. Donc, vous rencontrez ce problème en français. Je l'ai rencontré lorsque j'ai dû apprendre l'allemand ou l'anglais. C'est un problème global pour toutes les langues et partout dans le monde. La raison principale de cet échec, ce sont nos écoles. C'est notre système d'éducation qui ne permet pas d'apprendre à parler une langue étrangère. Dans votre cas, votre système éducatif ne vous permet pas d'apprendre à parler le français et à maîtriser la grammaire et le vocabulaire. Alors, quand je dis maîtriser, je veux vraiment dire vous utilisez de la grammaire automatiquement. Vraiment, les mots, les expressions vous viennent automatiquement, que ce soit d'un point de vue vocabulaire ou grammaire. J'ai une bonne nouvelle. Il existe des alternatives. Il existe des nouvelles méthodes, des nouveaux outils qui utilisent les façons que notre cerveau a d'apprendre les choses et qui peuvent vous aider à apprendre à parler le français. Je vous présente certains de ces outils dans mon cours gratuit Les 7 règles de français authentique. Alors, ce cours est différent des autres. Vous n'aurez pas l'habitude de rencontrer ce genre de méthode ou de conseil et il n'est pas fait pour tout le monde. Il est fait pour des personnes qui rencontrent ces deux conditions. Premièrement, vous devez avoir un bon niveau de compréhension. Vous devez comprendre ce que je vous dis en ce moment. Deuxièmement, vous devez avoir une grosse motivation, une grosse envie, un souhait d'apprendre à parler le français. J'ai créé ce cours, Les 7 règles de français authentique, pour vous permettre de passer de l'état de compréhension, donc vous comprenez le français, à l'état d'expression. Vous êtes capable de vous exprimer en français. Ce sont deux choses très différentes. Vous pouvez vous procurer ce cours rapidement, simplement et bien sûr, comme je l'ai dit, gratuitement. Pour cela, il vous suffit de rentrer votre adresse mail dans la boîte rouge qui se trouve sur la page de ce site et vous recevrez directement les premières leçons. Alors, c'est simple. Il suffit d'entrer votre adresse email, c'est sans risque et je déteste les spams. Je suis comme vous, je déteste les spams, donc je ne vendrai pas ou je ne communiquerai pas votre adresse email. J'utiliserai votre adresse email pour vous envoyer votre cours gratuit. Donc si vous entrez votre adresse email, vous recevrez la première leçon immédiatement. Dès maintenant, vous pouvez commencer tout de suite. Ensuite, vous recevrez une leçon par jour pendant une semaine. Donc il y a en tout 7 règles, 7 leçons dans ce cours. Chaque leçon contient une vidéo, donc comme celle-ci, dans laquelle je vous donne des conseils et vous explique des principes très importants qui sont en fait la base de ma méthode d'apprentissage. Chaque leçon contient également un fichier MP3. Donc c'est l'audio de cette vidéo. est très important et très intéressant pour vous, chaque leçon contient le fichier texte, donc au format PDF, afin que vous puissiez lire tout ce que je vous dis. Donc ça contient ces trois choses. Alors bien sûr, je ne vous promets pas que vous apprendrez à parler le français en une semaine. Je pense que c'est clair, c'est impossible, et je suis honnête, je ne vais pas vous promettre des choses impossibles. Par contre, ce que je vous promets, c'est qu'à la fin de ces 7 jours de leçons avec moi, ces 7 jours de cours avec moi, avec Français Authentique, eh bien vous changerez totalement votre vision au niveau de l'apprentissage des langues. Je vous donnerai les outils, je vous donnerai les clés pour apprendre à parler le français de façon automatique et sans effort, comme si vous étiez en France. Alors n'attendez pas, rentrez votre adresse mail et recevez, profitez dès maintenant de ce cours gratuit, les 7 règles de français authentique. Je me réjouis que vous me rejoigniez et je me réjouis de pouvoir devenir votre professeur pendant une semaine. À tout de suite pour la première leçon. It's a lovely morning. I'm feeling late.